Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter. Les règles du nouveau-né. Et on va essayer de faire dans l'ordre. Bi-idhnillah, azza wa jal. Un cours donné par le frère Mounir al-Maghribi, hafidahullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj, au Yémen. Cours numéro 2. Nous demandons à Allah azza wa jal que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimouns. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نكمل إن شاء الله تعالى هذه الكلمة المختصرة في أحكام المولود وتقدم معنا في الدرس السابق بعض المسائل ومنها مسألة التحنيك تقدمت أي le fait de marcher une date et de prendre un peu de cette date et la mettre dans la bouche de l'enfant هذا تقدم كذلك التسمية donner un prénom à cet enfant. Et on est arrivé à Al-Aqiqa. Et on avait commencé, on avait pris Halqul Ras, raser les cheveux du bébé. On avait vu ces masa'il. On s'est arrêté, voilà. Et on avait oublié une mas'ala. Wa hiya Al-Adhan. في أذن المولود الآذان في أذن المولود أي le fait de faire l'adhan dans l'oreille de l'enfant l'adhan dans l'oreille droite et الإقامة dans l'oreille gauche هذه المسألة جاء فيها بعض الأحاديث ثلاثة حديث. يا ثلاثة حديث في هذه المسألة. الأول حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن ابن علي يوم ولده فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى. Premier حديث عن ابن عباس. Le prophète صلى الله عليه وسلم quand son petit-fils est né, Al-Hassan ibn Ali, le fils de Fatima, radiyallahu anha, enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'adhan dans son oreille droite et il a fait l'iqama dans son oreille gauche. هذا الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان. C'est un hadith موضوع. لا يثبت أبدا. Il est موضوع. C'est un hadith inventé. فيه الحسن بن عمرو بن السيف قال فيه الإمام البخاري كذاب فهذا الحديث لا يثبت يعني كذاب dans la chaîne de transmission فهذا حديث موضوع le deuxième حديث حديث حسين عن حسين بن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له فأذن في أذنه اليمنى وقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. لا، le même hadith, le même معنى. Celui qui a un enfant, il fait l'adhan dans l'oreille droite et il fait l'iqama dans l'oreille gauche. هذا الحديث رواه أبو يعلى في المسند. كذلك هو حديث موضوع. C'est un hadith inventé. كذلك. فيه يحيى بن العلاء قال فيه الإمام أحمد كذاب. Dès que dans la chaîne de transmission, t'as un des rapporteurs, c'est un كذاب. فلا شك الحديث سرا موضوع sauf si une autre chaîne de transmission اما الان on a deux hadith deux chaînes de transmission il y a deux كذاب les deux hadith ils sont موضوع فpour l'instant on a rien de ثابت dans cette مساله ففي يحيى ابن العلاء قال في الامام احمد كذاب وقال الدارقطني متروك فمثل هؤلاء للضعف الشديد مثل هؤلاء للضعف الشديد et les deux hadith Cheikh Al-Albani et Cheikh Mokbel, ils les ont d'af. Ils les ont d'af. يعني pour l'instant il y a pas d'ishkal. Al hadith الثالث عن أبي رافع رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. هذا الحديث وهو أحسن ما في الباب رواه الترمذي وأبو داود رحمهم الله. قال الحافظ ابن حجر مداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. مداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. فهذا الحديث كذلك لضعيف. Toute la chaîne de transmission elle passe par عاصم بن عبيد الله. Et ce rapporteur il est ضعيف. فالحديث il est ضعيف. هذا. فهنا trois hadiths dans cette مسألة. Deux موضوع et un ضعيف. حتى قال شعبة في عاصم شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث قال في عاصم لو سألتاه من بنى مسجد البصرة لقال حدثني فلان عن فلان عن فلان بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلمك هذا عاصم بن عبيد الله اللي تبقى معتمد عند المحدثين. فمثل هؤلاء لا يقبل تفردهم لا يقبل أبدا. فالآن الحديث toute la chaîne de transmission passe par عاصم. عاصم il est ضعيف. الحديث obligatoirement il va être ضعيف. فائدة الشيخ الألباني رحمه الله il avait حسن ce حديث حديث أبي رافع le dernier qu'on a cité. قال أبو رافع رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. Ce hadith, il l'avait hassan, Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Il l'a hassan, pourquoi? Léanna, Cheikh Al-Albani, c'est un muhadith, il sait que ce hadith, il est daïf. Il sait, il connaît Asim ibn Ubaidillah, il est daïf. Il a daïf le hadith. Lakin, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il est revenu à Tuhfat al-Mawlud, ou Tuhfat al-Mawdud, l'imam al-Qayyim, Ibn al-Qayyim rahimahullah fi Tuhfat al-Mawdud il prend le premier hadith qu'on a cité Ibn Abbas mawdou' Ibn Abbas ou Ibn al-Qayyim il dit pas il est mawdou' il dit il est daif il dit il est daif. Cheikh al-Albani rahimahullah il a pensé que c'était un daif yassir il savait pas qu'il était mawdou' il avait que ce livre Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim il dit mawdou' Cheikh al-Albani il a pensé que les deux hadiths hadith Ibn Abbas et hadith Abi Rafi' le deuxième il est daïf, le premier il est daïf, ça faisait monter le hadith au niveau de Hassan. Falihada il a dit al hadith il est Hassan. Thumma rahimahullah il est revenu. Limada al hadith ibn Abbas, celui qui l'a rapporté, on l'a dit c'est al-Bayhaqi, fi shu'ab, shu'ab al-Iman. A l'époque, Cheikh al-Albani il n'avait pas le livre. Il s'est basé sur la parole d'Ibn al-Qayyim. Dès que le livre shu'ab al-Iman ils l'ont imprimé, Cheikh al-Albani il est revenu et il a vu que le hadith il était mawdou'. Et le mawdou, il ne peut pas renforcer un hadith daïf. Abadan. Abadan. T'as un hadith daïf, tu peux le renforcer avec un autre hadith daïf, avec un autre hadith daïf, avec la parole d'un compagnon. Il peut, l'ulama, il le renforce. Amma avec un hadith mawdou, abadan. Enfin, Cheikh Al-Albani, il est revenu. Cheikh Al-Albani, il est revenu. Qal, rahimahullah, qala, fahassantu hadith Abi Rafi' fil Irwa. Naam, Cheikh Al-Albani, l'an, il raconte son histoire avec ce hadith. Donc il a hassan le hadith fait l'irwa, irwa al-ghalil l'imam al-albani il a hassan le hadith hadith Abi Rafi' قال والآن قد طبع والحمد لله كتاب البيهقي الشعب شعب الإيمان قال ووقفت فيه على إسناده وتبين لي شدة ضعفه. Cheikh Al-Albani dès qu'il a eu le livre entre les mains la chaîne de transmission il a vu que tu ne pouvais pas renforcer le hadith. L'erreur de Cheikh Al-Albani rahimahullah elle est venue de l'imam Ibn Qayyim. Ibn Qayyim il n'a pas précisé, il a dit daif. Il aurait dit mawdou', Cheikh Al-Albani il n'aurait jamais hassan. قال فقد رجعت عن التحسين المذكور. Ça c'est une faïda. أن بعض الإخوة ils pensent que Cheikh Al-Albani il a hassan le hadith et il est jamais revenu dessus. Là, il est revenu. وهذا نص الرجوع في الضعيفة. قال فقد رجعت عن التحسين المذكور وعاد حديث برافع إلى الضعف الذي يقتضيه إسناده. نعم. فحديث برافع كشغل الألباني لا بحسن يغسل ضعيف. يغسل ضعيف. الشغل الألباني لومن إلى غذن. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله قال الإقامة ما ثبتت والأذان جاء في بعض الأحاديث وكان الألباني رحمه الله حسنه في إرواء الغليل وبلغني أنه رجع عنه فيما بعد. نعم الشيخ العباد حفظه الله يديك الشيخ الألباني لغفنه إنه أنا لي ولله الحمد لا بقول الشيخ الألباني الضعيفة الحديث رقم 6121 الشيخ الألباني لغفنه شوق تحسين هذا الحديث. على كل حال الأذان والإقامة سباع مشروع ما ثبت في هذا الشيء. فالمسلم كان enfant il fait pas l'adhan dans son oreille droite et l'iqama dans l'oreille gauche. لأن c'est basé sur des hadiths faibles. Deux hadiths موضوع et un hadith faible. معروف عند المحدثين أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف. القول الصحيح أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف. هذا ما يتعلق بالأذان في أذن المولود. La conclusion, on ne fait pas l'adhan dans l'oreille droite et l'iqama dans l'oreille gauche. Ma tabat had. Ma tabat. Il n'y a rien d'authentique dans ce bab. Enfin, le musulman, il délaisse ça. Deuxième masala, on va nubba. Halq ras al-untha. On avait cité Bab al-Kalam. Lakin, alhamdulillah, on a recherché cette masala. Et il y a un khilaf. بين أهل العلم يا خلاف بين أهل العلم. hier on a vu la مسألة raser la tête de l'enfant. pour le garçon c'est واضح c'est مستحب. pour la fille العلماء اختلفوا. بعض العلماء ils ont dit c'est que pour l'enfant, que pour le garçon. بعض العلماء ils ont dit là c'est عام c'est عام c'est عام. Même si le prophète صلى الله عليه وسلم a dit roulat, là chaque année il y a beaucoup de versets, de hadiths, ça parle de l'homme et ça englobe la femme. Les ulama ils ont dit anna al-ghulam yashmal al-untha. Anna al-ghulam on va voir anna nabi صلى الله عليه وسلم il a montré le ghulam, il a parlé du ghulam et il a parlé de aqiqa, tasmiya et halq, trois choses. At-tasmiya, personne pour nous dire c'est que pour le garçon, là c'est عام. العقيقة سعام كذلك الحلق. بعض العلماء ils ont dit si les deux c'est pour le garçon et la fille فغازي la tête كذلك c'est pour le garçon et la fille sauf si un نص un دليل qui nous montre pour la fille il faut pas. هذا فتو va avoir deux قول. Un قول il dit غازي la tête c'est que pour le garçon. Le deuxième قول c'est pour le garçon et la fille. نقرأ عليكم بعض الأقوال. قال الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله قال أفيدك أن السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط. أما الأنثى فلا يحلق رأسها. هذا قول شيخ ابن باز أن الأنثى لا في on lui rase pas la tête. عند الشيخ ابن باز رحمه الله c'est que pour le garçon. قال لقوله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عند يوم السابع ويحلق ويسمى. الشيخ ابن باز il a pris دليل le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit كل غلام والغلام c'est le garçon. لكن هذا الاستدلال في نظر لأن التسمية والعقيقة c'est pour la fille aussi. C'est pour la fille aussi. La chaque anna ça englobe les deux. Ça englobe les deux. Wa huwa qawl al-Imam al-Sanani. Qala al-Imam al-Sanani kalam Cheikh ibn Baz il est fi majmou' al-Fatawa. Majmou' al-Fatawa al-Mujallad al-Ashir. Amma il y a des autres savants on a dit ils ont dit que c'était pour le garçon et la fille. Les deux. Qala al-Imam al-Sanani rahimahullah fi Subul al-Salam qala qawluhu fi hadith Samura wa yuhlaq. On l'a lu le hadith. قال دليل على شرعية حلق رأس المولود يوم سابعه وظاهره عام لحلق رأس الغلام والجارية. هذا القول الأقرب. هذا القول لأقرب أن هذه الأحكام أحكام المولود elles sont âmes pour le garçon et la fille. Tout ce qu'on voit l'âme c'est pour le garçon et la fille, sauf si on a un délil qui montre la fille elle ne doit pas faire cadeau, ou le garçon ne doit pas faire cadeau. فهذا والقول بالعموم هو قول كذلك الإمام الألباني رحمه الله. سئل الشيخ الألباني رحمه الله هل يحلق رأس الجارية عند الولادة؟ قال كالغلام. نعم الشيخ الألباني الذي غاز لا تدرافي كم غاز لا تدرافي. هذا واضح، هذا واضح أن الراجح العموم، الراجح العموم لأنه لا بد دليل كي مطق أن لا لا في أن يغص بالاتد. أما قول الغلام معروف، يبقى الدليل كي مطق لهم يدوافق كذا لهم يدوافق كذا، سأبليك لفهم معروف هذا أن أحكام الرجال عامة للنساء إلا بدليل. قال الشيخ العباد حفظه الله قال الذي يبدو بأن غالب الأحكام تذكر مع الرجال والنساء مثلهم وكذلك الغلام. نعم هذا أن يبقى الأحكام في القرآن السنة شو بتخوبه لم يدوافق كذا، كذلك في أحكام المولود لا garçon أو الغلام يدوافق كذا، سأغلب لفام لفي صف سيونا دليل. قال والمقصود من حلقه إزالة الأذى أو إزالة هذا الشعر الضعيف وإزالة ما يتعلق به من أوساخ، هذا هو المقصود. لأن حديث أمس حديث سلمان ابن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأميطوا عنه الأذى، وأميطوا عنه الأذى أي أولفي الأذى، الأذى سين شوز كيف مال سين شوز كيف أنوي غستوفو. العلماء ils ont expliqué l'adha avec le char, les cheveux. Là, je sais que ça va englober la fille, كذلك. Le garçon, il a des cheveux, et ça peut être sale, ça peut être كذا. Ses cheveux, كذلك, ils sont ضعيف. Le fait de le raser, tu vas avoir des cheveux propres, des cheveux plus solides, là, je sais que ça englobe la fille, كذلك. فالذي يبدو قال الشيخ العباد فالذي يبدو أنه لا فرق بين الذكور والإناث انتهى. نعم أما celui qui différencie il doit amener un délit. أما le délit qu'il a cité sur une base il n'est pas clair. كل غلام ça englobe la fille. لأن le prophète il a cité l'aqiqa et le fait de donner un prénom et on fait l'aqiqa et on donne un prénom à la fille. فهذا فلا شك أن غازي لشوفه سنغلب لفي هذا القول لأقرب كلام شغل عباد استفدناه من شرح ابن ماجه الشريط 208 لكاسيت نمرو 208 شرح سنن ابن ماجه لشغل عباد كلام شغل الألباني من السلسلة سلسلة الهدى والنور كلام الإمام الصنعاني من سبل السلام وكلام شغل باز من مجموع الفتاوى. هذا الخلاصة في هذا المسألة سنغلب لقرصون لفي لفت دو غازي لشوفه. أخرى في حلق الرأس ما يسمى بالقزع، القزع أي يحلق بعض الرأس ويترك بعض الرأس. Le fait de raser une partie de la tête et délaisser l'autre partie. هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع أي الفت دو غازي une partie de la tête et de laisser l'autre. لا celui qui rase il rase tout أو il délaisse tout لأن حلق الرأس غازي la tête de l'enfant c'est pas obligatoire c'est مستحب لكن celui qui le fait comme السنة il le fait بما جاء في السنة. أما القزع il rase une partie et délaisse l'autre لا يجوز. Le prophète صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك pour l'enfant et pour l'adulte. Pour l'enfant et pour l'adulte. Al-Qaza, tu trouves un bar de Shabab, il se coupe les cheveux et il coupe une partie. Fakat. Hada la yajouz. Hada c'est tachabou bi a'da illah. Et le prophète sallam n'a un dhalik. Ma nasina shay. نكمل الآن ما بقي اليوم ندخل في مسائل العقيقة المسألة الأولى حكم العقيقة est-ce que c'est obligatoire أم لا اختلف أهل العلم كما تعلمون في هذه المسألة منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب هي قول بعيد شاذ من الحنفية ils disent أنه c'est pas مستحب c'est مكروه de faire العقيقة هذا c'est un قول بعيد هذا c'est un قول شاذ لا يلتفت إليه Enfin, il nous reste deux avis, obligatoire ou recommandé. والأقرب والله تعالى أعلم أن العقيقة لمستحبة. هذا الأقرب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ولد له مولود فأحب أن ينشك عنه. فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاء. الحديث لحسن. الشاهد منه فأحب أن ينسك عنه ça montre l'istihbab ça montre que c'est recommandé et celui qui veut faire l'aqiqa il fait kada celui qui veut ça montre que c'est pas obligatoire lakin il y a des autres hadiths il y a des awamir il y a des autres hadiths il y a l'ordre comme on l'a vu ams certains hadiths en haqiqa le khilaf dans cette mas'ala il est qawi le khilaf dans cette mas'ala il est qawi est-ce que c'est obligatoire ou non قال ابن القيم رحمه الله قال العقيقة السنة عن الجارية كما هي السنة عن الغلام وهذا قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين من بعدهم تحفة المودود نعم ابن القيم إلى شوازي رحمه الله القول كسي ركوماندي et c'est قول الجمهور la plupart des savants ils disent que c'est recommandé لكن تنبيه قال الإمام أحمد رحمه الله في تحفة المودود كذلك قال لا أحب لمن أمكنه وقدر أن لا يعق عن ولده ولا يدعه نعم حتى الإمام أحمد يتخصيز أنه مم si on dit que c'est pas obligatoire ça veut pas dire qu'on la délaisse صحيح بعض الناس dès qu'ils entendent sunna on dirait ils ont entendu ils ont compris il faut délaisser ça c'est pas صحيح مثلا غازي la tête une sunna Faire l'aqiqa c'est une sunna. Ça ne veut pas dire on les délaisse. Là, ça veut dire que si tu ne le fais pas, une cause parmi les causes, tu ne le fais pas, tu n'as pas de péché. Ça veut dire ça. Amma, le muslim, il doit le faire. Il doit le faire. Tu n'as pas les sunnas de Nabi alayhi sallam. Et tu as du adr. Tu as des récompenses. Et c'est mieux pour ton enfant. Il grandit avec sunna. Amma, si on délaisse toutes les mustahabbat, tu vas délaisser Kathir Mindinillah. Fa al insan yantabe. Dès qu'on dit sunnah recommandé, ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas. Là, al insan, s'il peut le faire, il le fait. Là, il y a des hadith umo. C'est, Inch'Allah, c'est que du khayr pour toi et pour cet enfant. Qala li anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala al ghulam murtahanun bi aqiqatih. Sahih. Wa ala ce hadith, al ghulam murtahan. Murtahan, ça vient du rahan. Aïe, mahbous. بعض العلماء يزقي في الحديث أنه سواجب هذا دليل قوي pour le wujud هذا دليل قوي pour le wujud العلماء كي تقول مستحب يمتلك المرتهن هذا لا يقتضي الوجوب لا يقتضي الوجوب على كل حال لا فيرسون سي بو يدرس با هذا يدرس با هذا إلا سنا عذر إلا سنا عذر إلا با دارجون هذا لا بأس لا شك أنه يبو با فاتقوا الله ما استطعتم أما لا فيرسون لي مويان financier tout est prêt il n'a plus qu'à à faire cette sunnah falimada pourquoi il la délaisserait fil haqiqa hada c'est du ajr simple c'est du ajr très simple t'égorges t'invites des frères يعني t'auras fait plus de khair t'as appliqué cette sunnah t'as kram al-dhuyuf t'as pris soin de tes invités inshallah c'est que du khair pour toi la personne la yahrum nafsah an hada al-khair على كل حال العقيقة لمستحب هذا القول لأقرب والله تعالى عنه القول بالوجوب لقوي القول les savants qui disent que c'est obligatoire c'est un قول لقوي جدا لكن الله أعلم الأقرب c'est المستحب عندنا السنة الدائمة كذلك أنه سنة مؤكدة. مسألة أخرى، العدد الذي يذبح في العقيقة أي combien tu dois égorger، هذا on a vu plusieurs hadiths في هذا. الأفضل أن يذبح للذكر شاتان كما في الحديث المتقدم، قال عليه الصلاة والسلام فعن الغلام شاتان. الشاة معروف أموتون، ف pour le garçon deux. On a dit أفضل، on a dit أفضل لأن tu peux égorger un mouton pour l'enfant كذلك pour le garçon فقط. كما في حديث بريدة تقدم معنا أمس قال فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاء، كنا نذبح شاء أي واحد. ف avec les deux hadiths ça nous montre que الأفضل pour le garçon c'est deux. Celui qui égorge que un يجزي هذا. Celui qui égorge qu'un mouton pour son garçon, la aqiqa est valide. Pour le jariya, واضح c'est un. Pour la fille, un mouton واضح. Pour le garçon, le mieux c'est deux. Celui qui égorge que un, يجزي. هذا الخلاصة في مسألة العدد. مسألة أخرى، ماذا يقال عند الذبح؟ بعض الناس يpense que t'égorges pour la aqiqa, il y a un ذكر précis à dire. حقيقة يا بد دليل على هذا. T'égorges la aqiqa, c'est comme si t'égorges l'udhiya. تغرجي الهادي في الحج أو غير ذلك من الذبائح. يا بعض ذكر بخسي تدي بسم الله الله أكبر ويكفيك. أما بعض الناس يديز بسم الله الله أكبر عن فلان ابن فلان إلى آخره، لا دليل على هذا. قال أو سئل الإمام الألباني رحمه الله هل يشرع ذكر معين عند ذبح العقيقة مثل اللهم هذا عن فلان ابن فلان إلى آخره، قال الشيخ الألباني لا يشرع. نعم سي با ليجيفيري، هذا il n'y a pas de dhikr précis. Si tu dis un dhikr, tu peux tomber dans le bida'. Une chose que le prophète sallam il n'a pas fait. Qala mada yuqal, celui qui pose la question il dit à Cheikh Al-Albani qu'est-ce qu'on doit dire. Qala Cheikh Al-Albani la shay illa ma yuqal 'inda kulli dhabh bismillah wallahu akbar. Tu dois rien dire de précis, un dhikr qui est spécifique à l'aqiqa. Là tu dis comme quand tu égorges une bête, bismillah wallahu akbar. لا شك أن الأعمال بالنية، لا شك أن النية الآن توصل عقيقة، من ساس إلى الكور، لا يحتاج أن تقولونسي النية في البدعة. فالآن ما سيفرق بين ذبح الأضحية وذبح العقيقة هو النية، إنما الأعمال بالنية. أما الجست هو المهم، الجست هو المهم. مسألة أخرى، متى تكون العقيقة؟ هذا مهم، وقت العقيقة. قول عامة أهل العلم أن العقيقة تستحب أو يستحب أن تكون يوم السابع، هذا قول عامة أهل العلم أن le mieux c'est que ça soit fait le septième jour. Tu comptes le jour de la naissance, ça va faire premier jour et six jours après, ça va te faire sept jours. Le jour de la naissance, il est né lundi. Tu commences lundi, mardi, jusqu'au septième jour. T'égorges le septième jour. هذا أفضل. كما في حديث سمرة تذبح عنه يوم السابع. تذبح عنه يوم السابع. Le prophète sallam il a dit t'égorges pour lui le septième jour. Ça c'est l'أفضل. Parce que celui qui peut appliquer هذا il applique هذا. لكن تعلمون أن أحيانا أنت بالطو أحيانا أنت مشغول أحيانا. فهذا قد لا يتيسر لكل أحد le septième jour. هذا قد لا يتيسر، لكن celui qui peut أفضل. قال ابن القيم رحمه الله والظاهر أن التقييد بذلك استحباب، وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت. نعم. Vous avez des hadiths comme on a lu hier le 7e, le 14e, le 21e. Il a akhiré tas des aqwal. Tout ça c'est min bab al-afdal. Tout ça c'est min bab al-afdal. Amma la personne s'il peut pas, il égorge quand il peut. Ça peut être le deuxième jour, il est prêt. Ça peut être le 8e, ça peut être le 15e. فعلى كل حال في كونتيتي لكن الافضل سي بو لو 7 جور احسن وقال ابن القيم رحمه الله قال والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والاكل وهذه الفائده بعض الناس يغفلون Ils pensent que le septième jour, c'est le fait de servir le repas. Là, tu peux très bien égorger le septième jour, tu as fait sunnah. Et tu invites les frères le huitième jour. Ou le neuvième, ou le dixième. Al-i'tibar, c'est bil-dhabh. La bil-tabkh wal-akl. Tu peux très bien égorger le septième jour, tu as fait sunnah, et c'est ça. C'est ça le mieux. Après le huitième jour, tu prépares. Le neuvième jour, tu invites. Tu as fait sunnah. Bah, Nas, il pense que l'invitation du neuvième jour, tu n'as pas fait le septième jour. Là, l'anna, l'i'tibar, c'est bil-dhabh, la bil-akl. L'i'tibar, bil-dhabh, la bil-akl. Kama afada ibn al-qayyim, rahimahullah. Andar tuhfat al-mawdoud. Enfin, le septième jour, toutes les dates qu'on a parlé l'an, c'est sur le sacrifice. T'égorges la bête le septième jour. Après l'invitation et l'akhiré, c'est autre chose. Quand il y a un est-ce que je dois forcément inviter? Là, lakin l'afdal, c'est d'inviter. L'afdal, c'est la cuisine, l'invitation, ikram al-duyuf, c'est ça l'afdal fil aqiqa. Amma yajouz, il égorge, il a fait l'aqiqa. Même il n'invite pas. Il garde la viande pour lui ou il la distribue à des pauvres. Ha, c'est une aqiqa. Lakin afdal, c'est que tu invites. Afdal, hada. انظر تحفة المودود ذكر هذه المسائل مسألة أخرى وهي هل من لم يعق عنه حتى كبر هل يعق على نفسه هذا يحصل كثيرا celui que ses parents ils étaient juhal ils connaissaient pas le hukm Mais Mbab Aoula, les frères convertis, il a grandi dans une famille de kuffar, ils ne connaissent pas l'aqiqa. Est-ce que quand il grandit, il arrive à 20 ans, 30 ans, est-ce qu'il fait l'aqiqa pour lui? Awalan, si tu dis l'istihbab, c'est wadih. Si on dit anna l'aqiqa, elle est mustahabba pour le père, la shak, anna, pour l'enfant s'il grandit, ça ne sera pas obligatoire. هذا واضح جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه يا حديث أن le prophète صلى الله عليه وسلم après qu'il ait reçu la révélation il a fait العقيقة pour lui-même هذا الحديث لضعيف هذا الحديث لضعيف انظر فتح العلام شرح بلوغ المرام لأخينا محمد بن حزام إلى montré ضعف الحديث باب العقيقة المجلد الخامس هذا الحديث ضعيف الآن on a pas un texte من القرآن أو من السنة que tu dois faire العقيقة pour toi si tes parents ils l'ont pas fait on n'a pas de texte à part le hadith le prophète صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه ضعيف لكن بعض العلماء استحب ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرتهن بعقيقة شك مولود إلى إن عقيقة كي دوا يتفت pour lui فهذا الآن son père il l'a pas fait personne l'a fait pour lui فالآن il l'a fait pour lui-même هذا قول بعض أهل العلم استحب هذا بعض أهل العلم لكن الذي يظهر في الحقيقة أن هذا سبا مستحب لأن العقيقة c'est sunnah c'est mashrou' pour le père il a eu un enfant min bab al-shukr wa min bab tatbiq hadi sunnah il applique cette sunnah amma al-aqiqa c'est pas t'égorge pour toi même al-aqiqa c'est le père pour son fils anta si personne l'a fait pour toi celui qui a eu un manque c'est le père c'est pas toi cette sunnah c'est pour le père anta tu peux pas accomplir cette sunnah pour ton père là le fait que l'enfant il fasse pour lui-même, Allah alam, c'est pas mustahab hada. Wa hada huwa madhhab al-Hanabila. Madhhab al-Hanabila, montre que ce n'est pas mustahab. Comme on a dit, l'anna al-aqiqa, c'est le père pour le fils. Amma anta, on ne l'a pas fait, on ne l'a pas fait. Dès que tu auras l'enfant, bi-idnillah, tu feras cette sunnah. لكن الإمام أحمد رحمه الله قال قال لم أكره وقال كذلك من فعله فحسن تستفيد من هذا أن الإمام أحمد لا نبي هو الحنابلة يمطق que c'est pas مستحب de le faire pour toi-même لكن celui qui le fait on peut pas dire ne le fait pas on peut pas dire ne le fait pas فالسلوي كي لفا فطيب طيب هذا الشيخ الألباني لا نبي رحمه الله الشيخ الألباني يفوى كل عقيقة لواجبة يفوى رحمه الله كل عقيقة لواجبة أي لبير Il est obligé d'égorger pour son fils. Et l'imam Al-Albani voit deux. La mas'ala qu'on a dit, nahnu un yujzi, Cheikh Al-Albani là. Chatan, chatan. Lakin al-sahih, hadith Buraïda, il montre chat. Cheikh Al-Albani voit deux wajib pour un garçon. Et un mouton wajib pour la fille. Lakin, rahimahullah, si le père il l'a pas fait, Cheikh Al-Albani voit que c'est mustahab pour toi. Ça c'est un qawla, ben, ceux qui voient le wujud. Les anna, l'enfant, l'enfant, ouais, c'est pas wajib pour lui. Le wajib, il est pour le père. Lakin, si l'enfant, il fait cette chose, c'est mustahab. هذا القول لا بأس pour celui qui voit al-wujud. قال الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الهدى والنور الشريط 208 قال العق أي العقيقة عن نفسه سنة وليس واجبا لأن الواجب إنما يتعلق بوالده والوالد قضى نحبه وانتهى أمره نعم الوالد مثلا il est mort أو il n'a pas fait فالآن cette obligation elle est pour le père si le père il est mort il n'y a plus d'obligation il reste cet enfant قال الشيخ الألباني لكن اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم ذبح عن نفسه الشيخ الألباني voit que le hadith ذبح عن نفسه il est حسن أو صحيح فلهذا il a choisi ce قول أما نحن في شرح بلوغ المرام il nous a montré أنه il est ضعيف فالأقرب c'est le قول بعدم مشروعية الذبح عن النفس هذا الصحيح فالقول le plus proche أن celui son père il lui a pas fait العقيقة il fait pas العقيقة pour lui هذا القول الأقرب قول الحنابلة والله تعالى أعلم et celui qui le fait لا ينكر عليه لا ينكر عليه celui qui le fait لا بأس On finit cette kalima avec mas'alat al-khitan. On a fini l'aqiqa. Al-an al-khitan. Al-khitan ma'rouf. Al-khitan ma'rouf, la circoncision. Fa min sunan al-fitra, al-khitan. Kama thabata, saha. عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار أو الأظافر ونفت الآباط أي الإب سكن زادقات نحلوز الختان سمن سنن الفطرة لا سيركونسيزيون أولا الحكم قال شيخ العظيمين رحمه الله في المسألة ثلاثة أقوال يا تخوى قول في الختان La circoncision. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est mustahab? Kadhalik, il va y avoir une différence entre le garçon et la fille. Al-qawl al-awwal, c'est wajib lil-jami', ala al-jami'. C'est obligatoire pour le garçon et la fille. Al-qawl al-thani, al-istihbab lil-jami'. C'est pas obligatoire pour le garçon et pour la fille. Al-qawl al-thalit, al-tafsil. Et c'est ça le qawl al-sawab. Wa huwa al-wujub. قال شيخ العثيمين الثالث التفصيل وهو الوجوب في حق الرجال أي الذكور لقحصه والاستحباب في حق النساء وهذا هو الأرجح شرح صحيح مسلم ذكر هذا الكلام في شرحه على صحيح مسلم نعم قد يقول قائل لماذا on différencie entre الذكر والأنثى الرجل والمرأة قد يقول قائل هذا A ترى أنا أنظر الدليل والله ستة نعم يكفي دليل واحد يكفي دليل واحد الختان أي الفطرة خمس الختان يكفي يا دزوت أدلة يمطخ الختان لكن الوقت ذهب فيكفي واحد الآن on a dit قد يقول قائل une personne elle peut se demander pourquoi on différencie entre le garçon et la fille المسألة واضحة أن الختان من مقاصد الختان الطهارة والتنظيف parmi les choses que la religion يعني les causes que la religion elle nous a montré qu'on doit faire la circoncision c'est النظافة أي enlever cette saleté et il y a une différence entre le rajoul et le mar'a il y a une différence entre le rajoul et le mar'a le mar'a si elle ne fait pas le khitan ça ne va pas changer dans le tahara أما الرجل si il ne fait pas le khitan فلا شك أن cette peau si elle n'est pas enlevée cette peau elle va garder beaucoup de saleté من البول ومن المني ومن المذي elle va garder هذه الأمور أما في المرأة لا في المرأة لا لهذا العلماء ils ont fait la différence entre le rajoul et le mar'a la différence entre le rajoul et le mar'a c'est من باب الطهارة أي la purification avec الختان l'homme il est obligé خاصة si il fait الصلاة البلوغ أما l'enfant سيأتي فهذا القول الذي هو الصواب وهو اختيار الإمام أحمد رحمه الله الإمام أحمد il a montré que c'est واجب pour le garçon et c'est مستحب pour la fille c'est recommandé pour la fille لأن المرأة لا تتأثر طهارتها بعدم ختانها هذا بخلاف الرجل on a dit la femme si elle ne fait pas la circoncision les saletés يعني, elles ne vont pas rester dans cet endroit أبدا contrairement à l'homme l'homme il a cette peau هذه, elle garde toutes les saletés ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه الأقلف لا تقبل له صلاة الأقلف c'est celui qui ne fait pas الختان ابن عباس il a dit لا تقبل له صلاة لماذا لأن هذا الرجل tu vas trouver أنه il va avoir un نقص في الطهارة s'il ne fait pas الختان il ne coupe pas cette peau tu vas trouver il va avoir de la saleté من بول ومذي ابن عباس il a dit لا تقبل له صلاة ça montre l'importance du ختان خاصة pour le rajoul الآن tu vas avoir une autre مسألة est-ce que avant le boulour ou après le boulour لا شك qu'avant le boulour c'est مستحب لأن l'enfant il ne fait pas الصلاة même s'il fait الصلاة il n'est pas مكلف فالعلماء il dit c'est مستحب لكن après le boulour il est مكلف أي il doit faire الصلاة ففي هذا الحال il est obligé de faire le khitan لأن الختان il a relation avec la purification la purification a relation avec الصلاة قال ابن عباس لا الأقلف لا تقبل له صلاة فأبخ البلوغ c'est واجب الختان pour l'homme avant le boulour c'est مستحب la femme c'est مستحب dans tous les cas قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله قال الختان قال أو قال وهو أي الختان لا يجب إلا بالبلوغ نعم avant le boulour c'est pas obligatoire pour le garçon قال وقبل ذلك هو مستحب لأنه غير مكلف وأما إذا جاء البلوغ فإنه يتعين الختان لأن الطهارة تتوقف على ذلك انتهى أي للرجال نحن بخصيص pour les hommes pour les garçons أما la femme c'est مستحب على كل حال avant le boulour avant la puberté ou après pour la femme c'est recommandé أما pour l'homme avant la puberté c'est pas obligatoire لكن après la puberté il doit faire salat il est obligé de faire le khitan s'il ne fait pas le khitan c'est يتعب والله سيتعب est-ce que sa salat elle est valide ام لا لأن الآن il va avoir du mal à se purifier il va avoir du mal فأحسن تطبيق cette sunna et بإذن الله tu sors de ce ishkal القول بالوجوب c'est صحيح pour le garçon أما la femme c'est مستحب بقي مسألة وقت une personne elle peut nous dire c'est quoi الأفضل الجمهور جمهور أهل العلم أنه يجب قبل البلوغ ça c'est قول جمهور la plupart des savants ils disent pour le garçon c'est obligatoire avant le boulot هذا on l'a vu là. قال ابن القيم رحمه الله قال ابن المنذر في ذكر وقت الختان ابن القيم رحمه الله يغبط la parole de ابن المنذر الإمام قال وليس لوقوع الختان خبر يرجع إليه ولا السنة تستعمل نعم طبعا تكس من الكتاب ومن السنة أن على circoncision doit la faire le 7e ou le 14e ou كذا لا les chiffres qu'on avait donné c'était sur donner le prénom à l'aqiqa et raser la tête أما الختان on n'a pas de hadith في هذا فالأمر il est واسع الأمر il est واسع le père de famille il choisit le moment apte قال فالأشياء على الإباحة نعم الأشياء على الإباحة لا بيرسون يشوز لكن الأفضل اللي فيه أفضل البلوغ أفضل اللي فيه أفضل البلوغ والأفضل كذلك اللي فيه الأنفان اللي بتي لا يتعب أما arrivé à un certain âge il a du mal à s'en remettre أما الأنفان خاصة quand il est tout petit un bébé quelques mois il marche pas, il est akhré, on lui fait la circoncision hadi, et très rapidement ça cicatrise, et inshallah il se rappellera plus. Mais celui qui le fait à un âge avancé, fayat'ab jiddan. Radi'a kalam ibn Qayyim min tuhfat al-mawdud. Dernière mas'ala, wa hiya khitanul kabir. Khitanul kabir. On revient comme la mas'ala de l'aqiqa. Un frère, il se convertit, il a grandi dans une famille qui n'est pas une famille musulmane. Ils font pas le khitan. Les yahoud, ils font le khitan. Mais maintenant, des familles chrétiennes, des familles de athées, des mulhid, des lakhri, ils font pas le khitan. Havalan, il peut se convertir, il est âgé, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mada alay. Qala sur le Udaymin. Rahimahullah. في شرح صحيح مسلم قال بعد أن ذكر حديث اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة متفق عليه يعني حديث في البخاري ومسلم أن إبراهيم رحمه الله عليه الصلاة والسلام il s'est circoncisé et il avait 80 ans il est صحيح قال ابن عثيمين il va expliquer هذا الحديث قال وفي هذا دليل على أن الختان من ملة إبراهيم عليه السلام أولا هذا أن الختان من ملة إبراهيم فنحن نسوي إبراهيم عليه السلام في هذه المسألة قال وأنه يجوز الختان بعد الكبر كذلك يجوز c'est pas interdit et hatta pour la santé de l'homme ça lui fera rien là chacun de vous ça va lui faire du mal il a rien lakin il patiente thumma bi'idnillah يعني il aura fait cette sunna قال لكن هذا بعد أن ثبت وجوبه لا يكون إلا في الشخص أسلم متأخرا لأن بعض الناس ils n'arrivent pas à faire le jam entre hadith Ibrahim et le kalam qu'on a dit avant le boulot مسألة الطهارة لأن الآن تاس حديث كيف موت 80 ans 80 ans وبعض الناس يبون يقول مسألة الطهارة إلى آخره لا لأن شيخ ابن عثيمين يتموت أن هذا le fait de faire le khitan quand tu as pris un âge avancé 20 ans, 30 ans, 40 ans il a appelé, c'est quand tu n'as pas pu le faire avant mais si tu peux le faire avant et tu as grandi dans une famille musulmane là chaque ils doivent le faire avant le boulot s'ils le font après ils sont athem al qawl bi wujub al khitan si le délai ils sont athem qal shoum l'udaymin qal lakin hadha ba'd an thabata wujubu la yakun illa fi shakhs aslama muta'akhiran cette mas'ala nahnu l'an on va s'en servir un frère qui s'est converti et il avait 30 ans matalan fala shak annahu fi al khitan qal وإلا فإذا كان مسلم من الأصل أي مسلم un enfant il a grandi dans une famille musulmane هؤلاء يكونس الختان ils doivent le faire قال فإنه يجب أن يختتن من حين تجب عليه الصلاة لأنه لابد من التنظيف ولهذا يجب الختان قبل البلوغ on revient à la mas'ala la purification si c'est une famille musulmane ils le font avant le boulot ils le font avant le boulot لكن on peut avoir un cas son père il savait pas ou une personne il s'est converti فهذا dès qu'il se convertit il fait une des premières choses qu'il fait c'est le khitan comme ça il fait sa salat et inshallah il est à la tahara tam هذا قال الشيخ العثيمين فإن أخره حتى بلغ كان آثما أي شريك القدرة لأن سواجب عليه فالخلاصة في ختان الكبير أنه la personne qui se convertit il fait le khitan si c'est une femme sale c'est مستحب si c'est un homme c'est wajib يصبر et il fait le khitan cette mas'ala elle est mohimma elle a un lien avec tahara la purification et la purification elle a un lien avec salat Et la salat, c'est rukn min arkan al-islam. Ça te montre l'importance de hada al-amr al-khitan, la circoncision. Nasallahu subhanahu wa ta'ala li jami' at-tawfiq. Hada alladhi aradna min ahkam al-mawlud wa lillahi alhamd. On a cité mas'alat al-adhan, mas'alat al-bishara, mas'alat al-tahnik, mas'alat al-tasmiya, mas'alat al-aqiqa, halq al-ra's wa al-dhabh ila akhirih, et on a fini avec al-khitan. Nasallah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana wa yanfa' man yasma' bi hadhihi al-kalima. Wa min al-munasib, c'est qu'on fasse une kalima fi tarbiyat al-awlad. Lian al-an, on a vu ahkam al-mawlud. Al-an, cet enfant, il va grandir, il a besoin d'une éducation. Fa bi idnillah, dès qu'on pourra, on fera une mas'ala sur, on fera une kalima plutôt sur l'éducation des enfants. Sallallahu subhanahu wa ta'ala at-tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دوما اون كومونس لو كتاب باذن الله.